À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, un rendez-vous a eu lieu à Khabarovsk, Russie. Dans la salle de rendez-vous étaient exposées les photos présentant les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il accomplis dans la direction de l'édification du parti et les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y ont pris part les personnalités du comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour le territoire de Khabarovsk et du comité de l'Union de la jeunesse communiste léniniste pour le territoire de Khabarovsk, ainsi que le consul coréen à Khabarovsk.